supprimer sa page. Play Store, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Non. Mon fan me sait ce qu'il mérite d'élever, mérite d'élever. C'est un fait aujourd'hui que je l'ai fait, je le sais que c'est vrai. Donc si tu te mets à écrire, à rapper, s'il te plaît, prends le temps d'écrire, de décrire ce qui est vrai. Choisis consciemment tes sujets, pas peur d'ouvrir les plaies parce qu'ils méritent des faits, méritent des bienfaits. Be anyway, tant qu'à écrire les déchets, t'es aussi bien écrit ce qui est vrai. Comme ça, les amis vont rester tes amis, tes ennemis, tes ennemis. Ta famille, puis aux yeux de Dieu, tu vas être précieux. Ce qui mérite d'élever, fait. C'est un fait maintenant que je l'ai fait, je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être fait, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être fait, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être bien fait, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Y'en a qui font la musique pour avoir du cash. Est-il logique, non logique, comme un inconnu chronique, une voix sous qui veut conduire dans le trafic. Dégage, panique. C'est peut-être vrai que tu peux faire du cash avec la musique, mais le bon comic, c'est quoi du cash? Elle va te vendre du ton en mon diable. C'est rien, crétin. Descendre des déchets toxiques comme les BPC qui étaient stockés à Saint-Basile, t'es inutile le débile. Quand t'écris, tu dois être agile, fertile, avec du style, mais real. Comme ça ton nom va se remplir, aussi longtemps que ce que tu vas dire va servir. Être utile, va faire sourire, peut-être t'aider à survivre. C'est drôle à dire, mais si tes textes sont vrais, ils pourront peut-être un jour servir à quelqu'un qui a envie de mourir. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est un fait maintenant que je l'ai fait, je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être bien fait. C'est un fait maintenant que je l'ai fait, je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être bien fait. C'est un fait maintenant que je l'ai fait, je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être bien fait. Même la tournée, néglige rien, oublie rien, analyse bien chaque mot, chaque refrain. Avec entrain, car pour certains gamins, t'es pas humain, t'es leur idole, un symbole, Apollo, une parabole, en qui ils voient, en qui ils croient. C'est pour ça que tu peux pas te prétendre pour un dieu, glorifier les armes à feu, c'est trop dangereux. Risqué, c'est jouer avec le feu. Puis dis ce que tu veux, mais si tu glorifies la violence, deux jours de force et d'âme violente dans tes textes, sachant que c'est négatif, check le négatif. Vaut mieux que tu fasses tes vœux, naïf, passe-moi de faire un aveu. Tôt ou tard, faut que tu fasses face à Dieu. Pac ta gueule, réécris tes textes, bouge flèche, dis rien, avec des textes précieux qui ils rendront pas Dieu nerveux, mais heureux et sois joyeux. Imbécile. Ah, j'ai gagné 2 piastres en bord en or. Non. 6, 10, 3, 8, 10, 12, 3, 6, 5, 7. Aïe, aïe, man. Avec mon 7, j'ai gagné 2 piastres, man. 2 piastres, yeah. I need the money.